Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et c'est Alain Duhaut qui est aujourd'hui l'invité de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. C'est toujours une chance, un privilège de recevoir Alain Duhaut, auteur d'un brillant ouvrage chez Actes Sud, intitulé « Johann Strauss, le père, le fils et l'esprit de la valse ». Il viendra nous le présenter en janvier. Aujourd'hui, c'est de Georges Bizet qu'il est venu nous parler. Georges Bizet, dont la maison à Bougival fait en ce moment l'objet d'une grande opération de sauvetage. Oui, le journal Le Parisien s'en est d'ailleurs fait l'écho ce matin. Je ne sais pas si vous aviez repéré cet écho. Le baryton Georges Chaminet, fondateur des Amis de Georges Bizet et président du Centre européen de musique, viendra nous dire en quoi nous pourrions, vous, moi, tous, être utiles à ce projet. Avant de filer à Bougival, je vous emmène dans le quartier de la Nouvelle-Athènes où a vécu Georges Bizet. Il est né rue de la Tour d'Auvergne, a été baptisé à Notre-Dame-de-Lorette. Il s'est marié à la mairie du 9e arrondissement le 3 juin 1869 avec Geneviève à Lévis, la fille de son maître en musique. Et ensemble, ils ont loué un appartement rue de Douai au 22 où il mourra. Georges Bizet vient d'un milieu qu'on pourrait qualifier de musical. Un père professeur de musique, un oncle qui l'était aussi, une mère pianiste. Il est inscrit au Conservatoire de Paris dès l'âge de 9 ans dans une classe de piano. 9 ans, ça veut dire un an avant l'âge requis quand même. Et il va y décrocher tous les prix possibles. Le 3 mars 1875, on peut dire qu'il va révolutionner l'histoire de l'opéra, puisque ce soir-là, à l'Opéra Comique, dans la scène, dans la salle qui est pleine à craquer, c'est la première de Carmen, œuvre en 4 actes. Jamais ce lieu qui d'habitude est plutôt consacré au théâtre léger, à des pièces légères, jamais ce lieu n'avait accueilli une histoire évoquant passion, violence et meurtre. Carmen est inspirée évidemment du roman de Prosper Mérimée. Vous savez que chez Mérimée, l'action se situe au début du 19e siècle à Séville et dans les environs. Eh bien, c'est le cas évidemment aussi chez Bizet. Et comme chez Mérimée, on peut dire que l'œuvre a vu le jour d'une façon assez laborieuse. Je vous ramène 3 ans plus tôt. Nous sommes le 1er octobre 72 au théâtre du Vaudeville à Paris. Georges Bizet vient de signer la musique de scène d'un drame d'Alphonse Daudet, drame adapté d'une nouvelle d'Alphonse Daudet par lui-même, l'Arlésienne, et c'est un échec, disons les choses, il va y avoir 20 représentations. C'est vrai que Bizet se rattrape un petit peu avec 4 mouvements pour orchestre symphonique au Cirque d'hiver quelque temps après, mais d'une façon générale, il faut vous dire qu'il a tendance à collectionner les échecs, ce monsieur. L'année suivante, il compose « Djamilé », un opéra comique en un acte, inspiré d'un poème de Musset, dans lequel une esclave, donc Djamilé, tombe amoureuse de son maître égyptien. Eh bien là, la pièce va être retirée de l'affiche après 10 représentations. Si vous connaissez un remède au spleen musical, enseignez-le-moi, disait Georges Bizet. C'est dans ce contexte un petit peu morose qu'Adolphe Delevin et Camille Dulocle, les directeurs de l'opéra comique, vont demander à Bizet de composer quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf et d'étonnant. Bizet reçoit des commandes de l'opéra comique depuis 1860. Ses deux amis, librettistes Henri Meillac et Ludovic Halévy, entre parenthèses, Halévy est un cousin de la femme de Georges Bizet, un cousin de Geneviève, les librettistes Meillac et Halévy présentent plusieurs projets à Bizet. Il n'a rien qui l'emballe dans tout ça. Et c'est lui qui choisit le Carmen de Prosper Mérimée. Carmen paru 30 ans plus tôt et dont l'action se situe à Séville. Son auteur est mort juste à la fin du Second Empire. C'est que Mérimée est mort avec le régime qu'il l'avait littéralement encensé. Il est mort en 1870. Et dans son dictionnaire amoureux de l'opéra, Alain Duhaut nous dit: Georges Bizet a beaucoup détruit, perdu son temps sur des projets inaboutis, beaucoup hésité, guère cru en lui. C'est sans doute là que gît l'un des paradoxes de ce compositeur qui a donné à tant de mélomanes l'envie d'aller en Espagne, lui qui n'y a jamais mis les pieds. Et oui, c'est vrai que le paradoxe est quand même étonnant. En 4 chapitres, la Carmen de Mérimée est à la fois un roman court et une longue nouvelle. À l'époque de Bizet, c'est quelque chose, on peut dire, qui est tombé dans l'oubli. C'était paru pour la première fois en 1845 dans la Revue des Deux Mondes, publié sans grand succès. Après, on en avait fait un volume quand même, ça avait été suffisamment remarqué pour qu'on le publie à part. Et d'après des lettres qui ont été envoyées à son amie la comtesse de Montiro, qui n'était autre que la mère de l'impératrice Eugénie, Mérimée a commencé à réunir des éléments pour Carmen dès 1830, donc 15 ans avant la parution du fameux roman. Et il a fait un premier voyage en Espagne. Madame Gérard Douville, dans sa préface de Carmen en 1827, disait « L'Espagne le distrait ». Elle parle de Mérimée là à l'époque. Il a 27 ans, il envoie d'Espagne des lettres sur ce pays à la revue de Paris, qui publie ses souvenirs de voyage, plein de couleurs, de tenues et de réflexions. Mais il a bien d'autres choses en tête et au cœur. Il rêve à ses amours finis, à l'inconstante qu'il n'oublie pas et qu'il voudrait oublier. Hors des cendres jetées sur le souvenir étincelant, la flamme sournoise rampe, s'élève, s'épanouit, danse, c'est déjà Carmen. Il fréquente les gitanes, les muletiers, les danseuses. Il observe de près les célèbres et triomphantes filles qui, dans les bouges des faubourgs, au grincement ventru des guitares, au claquement mortuaire des castagnettes, au bruit des mains frappant le rythme vivant, entraînent dans les mouvements de leur danse et le délire de leur corps toutes les convoitises. Mérimée fera un autre voyage en Espagne en 1840, mais ce n'est donc qu'en 1845 qu'il écrit Carmen. On dit en 8 jours, mais c'était la façon d'écrire de Mérimée. Hein. C'était un homme qui méditait longtemps et écrivait vite. Le 16 mai 1845, il dit « Comme j'étudie les bohémiens depuis quelque temps avec beaucoup de soin, j'ai fait mon héroïne bohémienne ». Le narrateur dans le texte de Mérimée est un archéologue qui est à la recherche de l'emplacement d'une bataille, qui va rencontrer à 3 reprises un bandit. Ce bandit, c'est José Navarro. Et la 3e fois, le bandit commence à lui raconter pourquoi il est en prison, pourquoi il attend d'être exécuté. C'est un brigadier qui a conduit en prison une cigarière, qui a blessé une de ses compagnes lors d'une dispute. Et alors lui a été séduit par la jeune femme, il l'a laissé échapper volontairement, ce qui lui a valu une dégradation, un emprisonnement. Et à la sortie, il a retrouvé Carmen, sauf qu'il y a eu une rixe, il a tué son lieutenant, il a dû rejoindre une bande de contrebandiers dont elle faisait partie. Et jaloux, il a tué un certain Garcia qui était le mari, entre guillemets, de Carmen. Et puis finalement, il a tué Carmen elle-même parce qu'elle aimait un autre homme. Je la frappais 2 fois. Là, c'est Mérimée qui écrit en laissant parler le bandit José. C'était le couteau du borgne que j'avais pris, ayant cassé le mien. Elle tomba au second coup sans crier. Je crois voir encore son grand œil noir me regarder fixement, puis il devint trouble et se ferma. Je restais anéanti une bonne heure devant ce cadavre. Certains affirment que Mérimée a fait mourir son héroïne pour se venger d'une histoire d'amour, en vérité. C'est ce que nous dit Madame Gérard Douville. Carmen, c'est un vieux chagrin d'amour déguisé en jeune bohémienne. C'est le privilège des artistes d'assassiner leurs amours méchantes dans le secret de leur imagination et de faire expier ce crime par un comparse. Si Bizet choisit Carmen, c'est parce qu'on est en pleine mode hispanique aussi. Pensez à la peinture de Manet, pensez à tout ce qui faisait plaisir aux gens à l'époque. Et dans son futur opéra, Bizet va d'ailleurs incorporer une habanera, « L'amour est un oiseau rebelle », elle-même inspirée d'une autre habanera d'un compositeur basque espagnol, hein, Sébastien Iradier. Et il insère une séguédille, une danse espagnole originaire d'Andalousie, près des remparts de Séville, chez mon ami Lias Pastia. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire de Georges Bizet. C'est donc une après-midi musicale que vous propose Franck Ferrand. Georges Bizet, c'est le célèbre compositeur de Carmen. Alors avant de poursuivre son histoire et l'histoire de cet opéra, je me pose quand même une question. Vous saviez, Franck, comment il composait, dans quelles conditions il composait, Georges Bizet ? Alors, il lui fallait du calme. C'était un amoureux du calme, Bizet. Et pour travailler tranquillement, il va louer avec sa compagne une villa au bord de la Seine à Bougival. Nous allons aller la visiter, cette villa, tout à l'heure, bien entendu. Très jolie petite ville, hein, Bougival, dans les Yvelines. Il n'est pas le seul à s'être installé là-bas. Des gens comme Tourguenieff, comme Berthe Morisot, évidemment, on pense à Renoir, à Sisley, etc., avaient fait de Bougival un port d'attache. Jusqu'à l'été 74, donc pendant près d'un an et demi, Bizet travaille sur la partition, 1200 pages en tout. Il s'acharne. Ça va avoir une incidence sur son couple, hein, puisqu'il se dispute souvent avec Geneviève. Ils vont même se séparer pendant 3 mois, tellement ça se passe mal cette affaire. Et les répétitions aussi seront difficiles. Il faut vous dire que tout est né difficilement dans cette affaire de Carmen, puisque le patron de l'Opéra Comique, un des deux directeurs, Adolphe Delevin, ne voulait pas d'un sujet comme ça. Quand il prend connaissance du sujet, nous dit Alain Duhaut, il s'épouvante. Montrer sur la scène de l'Opéra Comique, rendez-vous des familles, lieu habituel des entrevues de mariage, l'assassinat de Carmen par son amant, et cela dans un milieu de voleurs, de bohémiens, de cigarières, c'est impossible, c'est impensable. Eh oui, sauf que Camille Dulocle a racheté les parts de son associé, il est maintenant le seul commanditaire de l'Opéra Comique, et lui, il va soutenir Carmen. Alors, les librettistes ont quand même changé des petites choses par rapport au texte initial de Mérimée. Ils ont ajouté le personnage d'Escamillo, bien entendu, qui va devenir le rival de Don José d'une certaine manière. Ils créent le personnage de Micaela, la petite fiancée tout en douceur de Don José, pour créer un petit peu de romance dans tout ça. Les répétitions donc ont commencé en septembre 1974, les chœurs refusent de bouger en chantant, le chœur des cigarières paraît donc inexécutable, tellement ça paraît incroyable, on n'a jamais chanté comme ça. 2 mois de travail intensif, et puis nouveau problème, la cantatrice qui avait été prévue se récuse, et finalement c'est une jeune mezzo qui est choisie, Célestine Gaillimarier. Elle a 35 ans, près de 35 ans à l'époque, elle a cette voix de mezzo qui la rapproche, si vous voulez, de la tessiture masculine du ténor. Hervé Lacombe, dans le catalogue d'exposition de l'Opéra Comique et ses trésors, nous dit « Mezzo-soprano, peu à l'aise dans le grave, elle est sur le plan du caractère espiègle et vive, déterminée aussi, qualité essentielle pour imposer ses vues lors des répétitions. Physiquement, elle est de petite taille et possède un joli minois. Gaillimarier fait partie de ces artistes qui ont transformé peu à peu le jeu théâtral. Elle ne chante pas un rôle, elle l'incarne. Corps, voix, gestes, costumes forment un tout dont le but est de faire spectacle autant que de créer une émotion et une impression de vérité. Le costume n'est donc pas seulement un accessoire virtuel complétant le tableau. Il participe d'une construction du personnage et de l'intrigue. » Elle a été engagée, cette Gaillimarier, à l'Opéra Comique en 62. « Nul artiste ne pousse plus loin que Madame Gaillimarier l'art plastique de la pose », nous dit un de ses turiféraires en 1870. Elle est sur ce point inimitable. Aussi a-t-elle une individualité qui lui est propre, une originalité toute particulière dans toutes ses créations. Les détails de la mise en scène sont pour elle une affaire de la plus haute importance. Bref, une comédienne autant qu'une chanteuse, vous l'aurez compris. Et Célestine a joué pas mal de rôles de travestie. En 64, elle a joué dans Lara de Maillard et campé une esclave soumise, amoureuse de son maître, qu'elle suit sous un déguisement masculin. Quelques temps plus tard, elle a été Vendredi dans Robinson Crusoe, et donc des rôles travestis. Pour jouer le brigadier, pour jouer Don José, Bizet a choisi un ténor, évidemment, pour la jeune Navarrese, Micaela, une soprano, et puis pour le toréador, un baryton, bien entendu, Escamillo de Grenade. Bizet n'est pas seul dans son travail, qui est un travail acharné. Il est aidé par le directeur de l'Opéra Comique, donc par Camille Dulocle, qui participe à la mise en scène et qui participe même au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer. On fait appel à 2 peintres qui ont apporté au spectacle leur talent. Édouard de Taille, s'il vous plaît, qui a dessiné les costumes, notamment les costumes des dragons, et Georges Clairin, qui va faire ceux de la bohémienne. Vous imaginez le concours de talent autour de cette création-là. Georges Bizet retrouve Adolphe Delofre, avec qui il avait déjà travaillé sur Djamilé 3 ans plus tôt dans le même Opéra Comique. Et au début de l'année 75, on peut dire que l'orchestration est quasiment achevée. Alors, il va falloir maintenant voir comment le public accueille cette espèce de musique tellement nouvelle. Bizet disait « Nous avons la musique française, la musique allemande, la musique italienne et accessoirement la musique russe, la musique hongroise, la musique polonaise, sans compter la musique arabe, la musique japonaise et la musique tunisienne, très en faveur, toutes les trois depuis l'ouverture de l'exposition universelle, donc de 1855. » Carmen n'a beau faire que 4 actes, elle est un peu, on trouve de tout là-dedans, hein. Elle est un peu un concentré de tout cela, avec des chœurs, des duos, chansons, quintettes, un duo élégiaque pour flûte et harpe, un sextuor, un trio, et puis quadrille, et puis accords arabes, chinois, très étonnants, jamais entendus par un public européen à l'époque. Les musiques latines tiennent une place importante, je vous l'ai dit, j'ai cité tout à l'heure la habanera, etc. Cette séguédille. Au total, il va falloir, pour arriver à interpréter cette partition complexe, 12 violons, 12 violons 1, 10 violons 2, devrais-je dire, 8 altos, 6 violoncelles, 4 contrebasses, 2 flûtes, 1 piccolo, 2 hautbois, 1 cor anglais, 2 clarinettes, 2 bassons, 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones, 1 harpe et des timbales et pas mal de percussions. Tout est prêt le 3 mars 75, c'est la première représentation. Ah, Georges Bizet est à bout de force, il est confiant, il sait que son œuvre va étonner, il ne sait pas si elle va plaire. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire de Georges Bizet, au cœur surtout de l'histoire de l'opéra Carmel. Alors grâce à vous Franck, il y a un instant nous avons vu naître l'opéra sur le papier. Nous sommes maintenant le 3 mars 1875, Carmen va maintenant naître sur scène, c'est le grand jour. Oui, alors une belle journée, enfin une journée qui a bien commencé pour Georges Bizet, puisqu'on lui a remis la Légion d'honneur le matin. Le soir, la salle Favart est archi-comble, vous imaginez bien, c'est la première. Le directeur, dont nous avons beaucoup parlé depuis le début, est quand même très inquiet. Il dit que cette musique est une musique cochin-chinoise totalement incompréhensible. Bizet souffre d'une angine terrible qui ravive ses anciennes douleurs de gorge. Alors tout le monde est là quand même, tous ses amis, Gounod, Offenbach, Massenet, les grands écrivains, Daudet, Dumas fils, tout le monde est là et on voit apparaître Carmen qui porte du rouge, une couleur qui s'oppose au jaune, la couleur traditionnelle des tenues des dragons espagnols, à la jupe bleue de Michaela, etc. Hervé Lacombe, je le cite, « Au milieu du tableau de la Posada, Galimarié est vêtue d'un corsage de gaze algérienne blanche lamée d'or, une ceinture d'or, une écharpe de soie blanche rayée de rouge, lamée et frangée d'or nouée à la taille, une jupe courte de satin jaune brodée entièrement sur le devant de fleurs à couleurs vives, des bas chers, des mules mordorées, un collier, des boucles d'oreilles et des bracelets en gros sequins, un peigne d'or et une rose rouge dans les cheveux achève ce magnifique portrait. À l'acte 3, elle porte une jupe faite de châle croisé, une veste et un petit chapeau de toréador. C'est plus que pittoresque ce qu'on a sous les yeux, bien entendu. Et le public n'est pas hostile, loin de là. Mais il est, disons-le, de plus en plus déconcerté. Bon, ça commence exactement comme la nouvelle de Mérimée, donc Don José, le brigadier, la dispute avec Carmen, l'emprisonnement, la libération, la fausse évasion de Carmen. Bon, très bien, acte 2, Don José est sorti de prison, c'est la taverne, hein, c'est la fameuse grande scène avec Carmen, la fleur que tu m'avais jetée, etc. Bon, là, on commence déjà à se poser des questions, notamment sur certaines harmonies un peu étranges. Et puis, Don José à l'acte 3, rejoint les contrebandiers alors que Michaela est venue le chercher pour le convaincre de mettre fin à cette romance, de retourner au chevet de sa mère mourante, etc. Et là, dans les montagnes, si je puis dire, ça se corse. Et là, je me demande si le public suit encore. Quant à l'acte 4, alors là, l'acte 4, c'est carrément, je ne sais pas si on peut parler de tragédie ou de mélodrame, un peu des deux, bien entendu, mais c'est le meurtre. Et alors ça, on n'est pas habitué du tout. Le public de l'opéra comique n'est pas fait pour ces fins tragiques, avec l'héroïne qui est là, qui saigne sur scène, si je puis dire. La représentation a paru longue également, et le lendemain, la presse et les critiques se déchaînent. Une fois que l'on s'est engagé dans les goûts sociaux, on est forcé de descendre encore. C'est toujours plus bas qu'on choisit ses modèles, dit un journaliste et un autre. L'état pathologique de cette malheureuse, vouée sans trêve ni merci aux ardeurs de la chair, est un cas fort rare, heureusement, plus fait pour inspirer la sollicitude des médecins que pour intéresser d'honnêtes spectateurs venus à l'opéra comique en compagnie de leurs femmes et de leurs filles. En effet, c'est violent. Hein, oui, il n'y a pas beaucoup d'avis positifs, il faut bien dire ce qui est. Georges Bizet a énormément misé et malheureusement les critiques ne sont pas à la hauteur de ses espoirs, de ses attentes. Il est surmené, il est fatigué, il va aller se reposer en mai 75. Et où part-il avec sa compagne d'après vous? À Bougival. À Bougival, bien sûr. Bonjour Alain Duhaut. Bonjour Franck. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça a été quand même une drôle d'aventure, hein, cette histoire de Carmen. C'était une aventure unique d'ailleurs. Ouais. C'est une aventure unique à plus d'un titre, parce que si nous sommes là pour parler de Bizet aujourd'hui, c'est à cause de Carmen. Et voilà. Ça reste l'opéra le plus joué au monde. Hein. Ça reste l'opéra le plus joué au monde, mais c'est un opéra qui est le seul qui a fait la gloire de Bizet. Bizet, il a composé auparavant des pièces qui auraient disparu. On a parlé un peu Pêcheurs de perles. Voilà, mais ouais. Même les Pêcheurs de perles. 18 représentations, tout cela n'a vraiment pas bien marché. Toute sa vie, il a essayé de composer, il a interrompu beaucoup de compositions, il en a mené à bien quelques autres, il en a brûlé quelques-unes. Et finalement, ce n'est qu'avec Carmen qu'il réussit à aller jusqu'au bout d'une œuvre, qui est une œuvre, qui est un chef-d'œuvre, mais probablement trop en avance pour le public de 1875. Et ensuite, il meurt. Et quand le public commence-t-il à aimer Carmen ? Un an après la mort de Bizet. C'est ça qui est extraordinaire. C'est assez douloureux parce que Bizet n'a pas assisté au succès. Bien sûr, on a continué à donner l'opéra. Parce que, au fond, à l'opéra comique, comme vous l'avez dit justement, si la presse s'est déchaînée, le public a été seulement déconcerté. Ce qui n'est pas la même chose. Et il y a une force tragique qui a pu toucher un certain nombre de publics. Mais ce n'était pas le triomphe qu'il attendait. Et vous avez cité le fait qu'il a été décoré le matin même de la Légion d'honneur. Et il y a un spectateur qui a dit on l'a décoré le matin parce qu'on savait que le soir, on ne pourrait plus le décorer. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de Georges Bizet cet après-midi sur Europe 1. Avec votre invité, Franck, vous recevez Alain Duhaut, écrivain, poète, musicologue, animateur de télé et de radio et auteur du Dictionnaire amoureux de l'opéra, paru chez Plon. Revenons à Carmen, justement. Oui. Le soir de la représentation, les grands compositeurs du temps sont dans la salle et eux apprécient, ils apprécient. Le public est surpris, décontenancé, certains profondément choqués, d'autres un peu moins, et la presse déchaînée contre. La presse, là, véritablement, se trompe totalement. Mais petit à petit, on va continuer à donner Carmen. Et on va revenir sur la manière dont il meurt, mais ensuite, on continue à le donner. Et plus ça va, plus le spectacle est apprécié pour la musique, pour le livret, pour la mise en scène. Car pour la première fois, il y a eu une mise en scène. Vous avez justement décrit le travail des costumes qui a été mis. Je précise simplement, quand vous dites jupe courte, la jupe courte à l'époque, oui, relatif, c'était une jupe qui montrait seulement les chevilles. Oui, c'est ça. Mais néanmoins, il y a aussi l'inscription d'une nouvelle théâtralité et qui est portée dans la musique, car cette musique est profondément théâtrale. Ce n'est pas une musique illustrative, c'est une musique qui porte le drame. Mais à propos de drame, je voudrais vous signaler une chose qui m'a frappé. Vous savez donc que Carmen, comme vous l'avez rappelé, est créée le 3 mars 1875. 3 mars, c'est-à-dire le troisième jour du troisième mois de l'année. Trois mois plus tard, le 3 juin, Bizet meurt au moment où on donne la 33e représentation à l'opéra comique de Carmen, et exactement il meurt au moment du troisième acte, quand Madame Galimarié est en train de chanter dans le trio des cartes, le moment où elle dit qu'elle retourne la carte qui dit toujours la mort. Vous voyez qu'il y a des signes. Ah oui, là c'est presque une merveille ce que vous nous étonnant. Racontez. Ouais. Les chanteurs à l'époque étaient heureux. Vous avez rappelé justement que celle qui avait été choisie pour chanter Carmen était malheureuse parce qu'elle a déclaré forfait. Oui. Ensuite, la jeune Célestine Galimarié, qui n'était pas très connue à l'époque, l'a acceptée et puis a donné toute sa vivacité et tout vraiment son allant à ce spectacle. Il semble d'ailleurs, sans qu'on en soit sûr, qu'elle ait été très aidée par Georges Bizet, qui était dans une situation matrimoniale difficile, puisqu'il ne s'entendait plus vraiment avec Geneviève. Geneviève n'était même pas là le soir de la première. Non, elle n'était pas là, mais elle était malade. Elle avait une liaison avec un jeune pianiste, celui qui se baignera avec Bizet, et c'est ce bain qui provoquera l'angine dont il mourra. Et lui, Bizet, était très assidu auprès de Célestine Galimarié. Il a donc contribué à ce qu'elle ait cette dynamique qui lui a donné cette force. Mais il est vrai que ensuite toutes celles qui ont endossé le rôle de Carmen ayant eu d'extraordinaires. Emma Calvé, par exemple, qui a été une très grande Carmen. Teresa Berganza, bien sûr. Évidemment. Beatrice Uria Monzón, aujourd'hui. Et beaucoup d'autres. Elina Garancha. Aujourd'hui, toutes les grandes mezzos veulent chanter Carmen. Dans la carrière d'une mezzo, il faut avoir chanté Carmen. Mais exactement. Même. Et on attend la Carmen de chacune d'elles, bien entendu. Exactement. Alors, on n'est pas toujours bien servi. Il y a des Carmen qui ne répondent pas à la volonté. Parce qu'il y a des Carmen qui sont, je dirais, caricaturales. Et à notre époque, il y en a une qui est très importante parce qu'elle a redonné sa noblesse à Carmen, c'est Teresa Berganza. Teresa Berganza est espagnole et elle a su retirer, je dirais, les espagnolades pour aller au centre du drame, à l'os de Carmen. Et elle a donné cette noblesse à ce personnage qui a beaucoup servi à celles qui l'ont suivi. Mais on avait eu une petite dérive les décennies précédentes et il faut rendre hommage à la grande Teresa pour cela. Ah, écoutez, on en parlera avec Jean Chaminet. Bien sûr, un hommage à Teresa Berganza par Alain Duhaut. Moi, là, je suis plus que preneur. Quels sont les pays où l'on joue le plus Carmen? Ça, c'est... On joue Carmen dans le monde entier. Vous avez rappelé que c'est l'opéra le plus joué au monde. Moi, j'ai eu le privilège d'assister en 1980, le 1er janvier 1980, à la création de Carmen à Pékin. Vous savez qu'il n'y avait pas d'opéra à Pékin. Ça a été joué dans un gymnase d'une école. Pas d'opéra occidental. Pas d'opéra du tout. Oui, enfin, on jouait ce qu'on appelle l'opéra de Pékin. L'opéra de Pékin, c'est un genre. Voilà. Mais c'est un genre qui peut se jouer d'ailleurs partout. Qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle nous l'opéra. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle nous l'opéra. Et là, il y a eu une action diplomatique qui avait été menée par notre ambassadeur de France. Et une sorte de... Vous savez, il y a eu la diplomatie du ping-pong avant la reconnaissance de la Chine. Eh bien, c'était une diplomatie de la culture qui était censée favoriser des relations entre l'Occident et la Chine, et particulièrement entre la France et la Chine. C'était un chef français. Donc, juste après la mort de Mao, là, on est vraiment... Exactement, oui, 1er janvier 80. Un chef français, Jean Périsson, un metteur en scène français, René Terrasson, une ancienne chanteuse française qui avait chanté beaucoup et qui a servi de chef de chant, et une distribution qui était entièrement chinoise, avec une chinoise qu'on avait vue arriver le jour de la représentation en vélo avec son petit masque, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des limousines et tout ça, vous savez. Et elle était arrivée, elle avait chanté, et on avait assisté donc à ce Carmen. Et ça a été un scandale de nouveau. C'est-à-dire que Carmen était toujours active. Et ça a été un scandale. Pourquoi ? Bien sûr, parce qu'il y a toujours le puritanisme de toutes les dictatures, mais aussi parce que un soldat qui prend parti contre son supérieur dans un régime militaire, vous imaginez ce que à ça veut dire ? À mon avis, c'est plutôt ça qui devait déranger les hiérarques du parti. Européen au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de Georges Bizet aujourd'hui sur Europe 1 avec votre invité Franck. Vous recevez Alain Duhaut, il est écrivain, poète, musicologue, animateur de télévision et de radio et vient de nous rejoindre en studio Georges Chaminet, baryton, fondateur de l'association des amis de Georges Bizet, président du Centre européen de musique et il a lancé une campagne de financement participatif pour sauver cette maison de Georges Bizet à Bougival. Alors, il faut que vous nous présentiez, cher Alain Duhaut, que vous nous présentiez Georges Chaminet. C'est à vous de le faire. Alors, Georges Chaminet, comme l'a rappelé Aïssa, c'est un baryton. Je salue d'ailleurs tout de suite Europe 1, bravo, défend la langue française. Dis pas crowdfunding, mais financement participatif. Bravo. Georges Chaminet, c'est un baryton, on va l'entendre dès qu'il va parler. Mais c'est un baryton qui est espagnol d'origine et qui est aussi français. Je dirais qu'il est aussi français qu'espagnol. Il a été célèbre sur toutes les scènes européennes, entre autres pour son interprétation d'Escamillo. Et il a ce qui caractérise, au fond, ce qu'on aime. Il a la passion. Cette passion qu'on retrouve dans Carmen, qui était la passion de Bizet, il l'a avec ce combat qu'il mène pour Bizet et singulièrement pour Bougival. Je l'ai entendu un peu partout, dans différentes enceintes. Quand vous l'écoutez, si vous n'êtes pas convaincu qu'il faut aussitôt vous précipiter pour aider cette action, eh bien, c'est que vous n'avez rien compris. Vous comprendrez aussi vous en entendant... Vous ce qu'il vous reste à faire. Vous comprendrez en entendant sa voix parler, ce que sa voix chantée peut donner, car il a ce qui fait un grand baryton. Ce timbre avec cette profondeur intérieure, cette projection, et puis cette vibration qui ne vient pas que de la voix, qui vient de l'âme. Georges Chaminet. Il faut dire bonjour Georges Chaminet. Merci beaucoup Alain. Merci d'être avec nous cet après-midi. Merci. Il faut dire que vous avez chanté Bizet, vous avez participé Escamillo. À des Carmen inoubliables. Absolument. Escamillo à cette table. J'ai participé à surtout une mythique, qui est celle de l'Expo Universelle de Séville en 92, avec donc Plácido Domingo qui dirigeait, Teresa Berganza Carmen, José Carreras, il était le Don José, María Bayo était Micaela. Formidable. Donc c'était le premier spectacle lyrique. Je me souviens, il y avait Gérard Depardieu et Victoria Abril qui le présentaient pour le monde entier. Donc ça a été un grand moment. Bon, du coup, on n'ose même plus vous adresser la parole, mais expliquez-nous, en dehors de cela, ce qui vous attache à Bizet encore aujourd'hui et toujours. déjà, je suis très attaché à ce phénomène que pour moi, naturel, géographique, mais qui n'a pas existé entre la France et l'Espagne, c'est les Pyrénées. Les Pyrénées n'ont jamais existé entre France et Espagne en musique. Et donc, Bizet est un des représentants de ce pont extraordinaire, tellement créatif, qui a toujours existé entre la musique espagnole et la musique française. Donc, naturellement, je me suis intéressé à Bizet, parce que j'avais des rôles. Il y a un rôle aussi que j'apprécie énormément, qui est le rôle de Ralph dans La Jolie Fille de Perth, qui est Jolie Fille de Perth aussi, qui est un opéra magnifique de Bizet, et peu donné. Et donc, si vous voulez, cette œuvre majeure dans la littérature opératique, mais pas simplement de Bizet, m'a toujours fasciné. Fasciné aussi sa vie. C'est un compositeur qui meurt à l'âge de 36 ans, comme Mozart. Et tout à l'heure, Alain Duhaut disait quelque chose de fascinant, c'est cette coïncidence avec le chiffre 3. Et il va mourir à l'âge de 36 ans, le 3 du 6, le 3 juin. Et au moment donc où Célestine Gallimarié tire la carte de la mort, et à ce moment-là, et on a les preuves du régisseur général de l'opéra comique, elle tombe dans les pommes. Ah. Elle est retirée de scène. Et quand elle revient à ses esprits, elle dit « Bizet est mort ». C'est magnifique. Il était là, son esprit en tout cas devait Donc cette tragédie, cette tragédie de Carmen, cette tragédie de la vie de Bizet, et vont me fasciner depuis toujours. Il devait même produire un Ivan le Terrible, qui n'a pas vu le jour. Il a produit, oui. il a été fait, il n'a pas terminé, il a été créé à Bordeaux. Bizet est un polyglotte musical, vous savez, Franck. Mm-hmm. Et c'est ça qui est extraordinaire. Mais justement, tout à l'heure, j'ai lu, et je m'en veux de l'avoir fait de façon beaucoup trop tronquée, parce que je pense qu'on n'a pas compris ce qu'il voulait dire. Il critiquait le fait qu'on puisse séparer, couper la musique en petits morceaux et dire il y a une musique comme ci, une musique comme Absolument. Ça. Le mieux d'ailleurs, le mieux, puisque vous m'avez apporté le texte, Alain Duhaut, c'est que vous nous lisiez un texte qui est un texte de Bizet, un texte qui est daté de 1869 et qui s'attaque, bille en tête, à l'esprit de système en musique. Mais vous avez raison, c'est un texte qu'il a composé pour la Revue Nationale. Depuis quelques années, l'esprit de système a fait en art des progrès inquiétants. De là cette polémique stérile, ces discussions arides qui égarent, qui dévorent, qui énervent les organisations les plus courageuses, les plus robustes, les plus fécondes. De là aussi ces divisions, ces subdivisions, ces classifications, ces définitions quelquefois obscures, souvent erronées, toujours inutiles ou dangereuses. On chicane au lieu d'avancer, on ergote au lieu de produire. Les compositeurs se font rares, mais en revanche, les partis, les sectes se multiplient à l'infini. L'art s'appauvrit jusqu'à la misère, mais la technologie s'enrichit jusqu'à la diffusion. Jugez-en vous-même. Nous avons la musique française, la musique allemande, la musique italienne, c'est ce que vous disiez. Et accessoirement, la musique russe, la musique hongroise, la musique polonaise, etc. Sans compter la musique arabe, la musique japonaise, la musique tunisienne. Très en faveur tous les trois depuis l'ouverture de l'exposition universelle. Nous avons aussi la musique de l'avenir, la musique du présent, la musique du passé, puis la musique philosophique et politique, récemment découverte par un journaliste de talent. Nous avons encore la musique mélodique, la musique harmonique, la musique savante, la plus dangereuse de toutes. Et enfin la musique canon, j'en oublie, nous aurons demain la musique à aiguille, à hélice, sa pompe foulante et refoulante surtout, quelle galimatia. Pour moi, il n'existe que deux musiques, la bonne et la mauvaise. Eh bien, il n'a rien à changer. Ça date de 1869, vous l'avez dit Franck. En 2017, je signe des deux mains, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Ça montre qu'il avait de l'avance, pas seulement en musique, mais aussi en observation. On veut décrire, définir, ranger dans telle et telle catégorie, alors qu'après tout, ça reste de la musique. C'est ce qu'il a non seulement cru et pensé toute sa vie, mais c'est ce qu'il a démontré par ses œuvres, et tout particulièrement par Carmen, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle va loin, cette œuvre-là, dans les innovations plastiques. Tout à fait, ce n'était pas le seul but de Bizet. Je crois que Bougival, pour cela, représente quelque chose que pour moi j'appelle l'esquisse d'une conscience européenne. Et il y avait à côté de lui Pauline Viardot. Eh oui. Pauline Viardot, c'est un des personnages les plus fascinants et les plus extraordinaires de la musique du 19e siècle. Mmh. À 4 ans, elle est sur les genoux de Da Ponte à New York, avec la compagnie Garcia, qui fait pour la première fois Barbier de Séville et Don Juan. Et elle finit ses jours au boulevard Saint-Germain, en disant à Stravinsky, vas-y, le sac du printemps, ça vaut la peine. C'est pas beau, ça. Entre-temps, elle a été la maîtresse de Turgenev, c'est la sœur de la Malibran, enfin, c'est extraordinaire. Elle a très bien connu Chopin. Mais bien sûr, et de telle sorte que Chopin va reconnaître à quel point elle va être une influence dans son art. C'est le trait d'union, cette femme. Et elle est le trait d'union de tout ce monde-là. Et c'est pour ça que dans ces salons de Bougival au domaine des Fresnes, il y aura toute cette conscience européenne qui va se trouver là. J'ai cru comprendre que vous vouliez aller à Bougival. Eh bien, très bien, nous vous écoutons et nous vous suivons. Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de Georges Bizet depuis 14h sur Europe 1. Il est temps maintenant, Franck, d'aller sur les pas de Georges Bizet. Nous allons donc à une vingtaine de minutes de Paris, à Bougival, découvrir cette maison de Georges Bizet. Et une campagne de financement participatif a été lancée pour sauver cette maison par votre invité, Georges Chaminet. Décrivez-nous là, cette maison, Georges Chaminet. Cette maison, c'est une belle maison au bord de la Seine. Là où Carmen est née sur Seine. Et c'est une maison qui a été fort heureusement préservée par les actuels propriétaires qui malheureusement doivent la vendre. Et c'est pour ça que tout d'un coup, je me suis lancé dans cette campagne de financement participatif, parrainée par Teresa Berganza et Placido Domingo, entre autres. Et donc, nous, dans cette maison qui a été probablement la maison qui l'a le plus aimée. Puisqu'il, quand il se réfère à la maison, il dit « c'est le petit coin tranquille de paradis où je vais pouvoir finir Carmen ». Malheureusement, il finira ses jours aussi, à l'âge de 36 ans, comme je disais tout à l'heure. Mais ce qui est absolument formidable, c'est que encore aujourd'hui, cette boucle de la Seine, berceau de l'impressionnisme, ne l'oublions pas, puisque là aussi, tous les grands peintres sont passés. Puisqu'il y a eu un Anglais qui est passé par là un peu avant, qui s'appelait William Turner, et grâce à la découverte de cette lumière, de cette boucle de la Seine toute particulière, il y a toute cette pléiade de peintres impressionnistes qui vont se fixer quelques-uns, comme Berthe Morisot. Il y a aujourd'hui l'atelier de Berthe Morisot qui deviendra un musée à elle dédié. Et il y a la maison de Turgenev aussi. Il y a donc le domaine des Fresnes avec la Villa Viardot qui a un besoin d'être soutenue puisqu'elle est dans un état piteux. Et mon amour pour Bougival est né là. Il y a 17 ans précisément, je rentrais dans les salons de Pauline Viardot où il y a des fresques néo-pompéiennes absolument admirable, des salons de musique superbes où tout le monde se retrouvait. Et j'ai vu que la maison était dans un état piteux. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et là, donc, j'ai mis de la musique. On a commencé à faire des concerts, des masterclass. Teresa Berganza, depuis 2008, vient toujours faire travailler des jeunes chanteurs pour un opéra dans son intégralité. Et la maison de Bizet est à côté. Donc ça pourrait devenir une sorte de creuset européen. Absolument. De la musique. Le but, c'est d'établir ce pont entre le 19e siècle et le 21e siècle. Ce pont d'humanisme, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et ce centre européen de musique, aujourd'hui soutenu par de grandes universités françaises et étrangères, c'est un centre qui va réunir sur le socle musical des branchements scientifiques, littéraires, un laboratoire de recherche scientifique sur le cerveau et la musique. On sait aujourd'hui que la musique est un moyen de thérapie extraordinaire. Moi, j'ai travaillé avec des enfants autistes, je sais ce que c'est. Pour le Alzheimer aussi, on sait que le son peut être aussi un outil extraordinaire pour la kinésithérapie. Il y a ce célèbre livre de Oliver Sacks, qui est une merveille, Musicophilie, où il explique comment, avec la musique, il a pu récupérer tous ses membres par l'efficacité de l'accompagnement musical. Donc il y aura là aussi un domaine scientifique. Et donc, avec la maison de Bizet, qui sera naturellement consacrée à un espace muséologique Bizet, puisqu'on a quelques souvenirs de Bizet, on a son piano player, et une résidence d'artiste pour nouer avec la créativité de cette maison. C'est là où Carmen est née. C'est là où on aimerait que d'autres Carmen naissent, par des écrivains, par des artistes plastiques, par des compositeurs, par des musiciens. Donc c'est le but. Cette maison, c'est patrimoine de tous. On a besoin de donner la place que Bizet mérite dans l'histoire de la musique. Est-ce que vous avez des soutiens dans les pouvoirs publics, que ce soit en France ou à l'échelle de l'Europe? Nous avons déjà les soutiens moraux qui sont importants. Comme ça, d'accord. Et bien gentil, ça. Il y a des choses qui se dessinent. En tout cas, on a aujourd'hui, par cette campagne de financement participatif, que j'espère tous les auditeurs vont suivre tout de suite le lien qui est d'artagnan.fr/Carmen. Pour aller voir quelles sont les sommes nécessaires, etc. En gros, c'est un peu moins d'1 million d'euros nécessaire. Et combien de récupérer actuellement? 150 000 euros à peu près, c'est ça? Environ. Oui. On a plus. Donc il y a encore du travail à faire. Hein. Beaucoup de travail à faire. Et surtout dans ce moment où on est dans des hommages nationaux, moi j'aimerais que la France fasse un hommage national au plus universel de ses compositeurs. Bravo. On parle de 110 millions de disques vendus, moi je parlerai de milliards de disques vendus de Carmen, puisqu'il s'agit de cela. Mais oui. Et Bizet mérite, pas simplement la petite rue à Paris, et qui est connue et pas loin d'ici, mais il mérite qu'on lui donne cette maison à sa mémoire, qu'on fasse un musée qui lui soit dédié. Et que ce centre européen de musique... J'allais dire, ce sera mieux qu'un musée, mais c'est un creuset pour la création d'œuvres nouvelles. Absolument. C'est formidable. Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, Georges Chaminet, mais vous avez une très jolie voix de radio. Vrai baryton. Et on aimerait vous entendre chanter. Ah, ça donne envie de vous entendre chanter. Alors, on va y arriver. Il va falloir sauver cette maison. Il faut absolument se mobiliser. Mais on a la chance d'avoir Georges Chaminet. Je pense qu'il est le mieux à même pour faire passer cette passion qu'il a pour Carmen, pour Bizet et pour le soutien à ce compositeur qui demeure quand même un des plus grands compositeurs français aujourd'hui au monde, qui a provoqué des émois dans le monde entier. J'ai parlé de la Chine, mais vous allez aux États-Unis, vous allez en Amérique du Nord, vous allez partout, vous entendez Carmen. À chaque fois, les gens sont touchés et il y a donc la nécessité de faire en sorte que ce compositeur soit placé à son juste niveau, c'est-à-dire le plus haut. Vous savez, une petite anecdote, vraiment merci Alain, parce que vous êtes un remarquable ambassadeur. Et une petite anecdote, c'est l'opéra le plus traduit au monde. Et les Philippins l'ont traduit, et près des remparts de Séville, c'est traduit près des remparts de Manille. Donc vous voyez à quel point cet opéra est universel. Sauvons la maison de Georges Bizet à Bougival, avec vous, Georges Chaminet, avec Teresa Berganza, avec Placido Domingo. Je suis sûr que les auditeurs d'Europe 1 vont répondre à l'appel. Et pour répondre à l'appel et faire vos dons, c'est sur d'artagnan.fr/Carmen où vous retrouverez bien sûr toutes les informations pour sauver cette maison. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.